Document 3, page 10. Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens ? Moi, je travaille. Et toi ? Moi, non. Je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais ? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui ? Pendant combien de temps ? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire ? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît, ce travail ? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps ? Ça, c'est une autre histoire. Et toi, tes études, comment ça va ? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin ? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il fait le tour du monde. En 80 jours ? Ça, je n'en sais rien.